Ouais. On va voir. Ouais. Ça recommence. On arrête. Et ça recommence. J'ai appris à chuter. J'ai appris à perdre. J'ai appris à tirer pour avoir la paix. J'écoule toute ma salade. J'emmène la misère en balade. Pour leur sourire gros canarde. Il me reste du sang sur les dents. J'suis pas content. Donc je recharge le cier, c'est qu'on danse. Y'a que ces bras qui pourront m'apaiser. Tu élèves quand ils vont mal, j'suis blessé. J'échange un regard avec le vide. J'kiffe, elle fait jamais la timide. Nique le match, on reste en bas d'être une asphère. Que les mouches qui se rappellent, quand ça pue la mer. Je vais faire que ça et couler kilos de verre. Pas besoin des bras d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Pas besoin qu'on m'aime en fait. J'ai juste besoin que tu quittes ma tête. T'as pas le comme un souffrant, t'inquiète pas, je me sens bien. Vous êtes nombreux, mon pompe, demande vous êtes combien. Je recompte dans la jungle et je m'appelle Simba. Le tour doit monter de tes fesses. Je recompte que la famille, je vends pour la Miss Simba. Sous mon arbre tant qu'il y a du bif. Je recompte dans la savane comme Simba. Les traîtres veulent la couronne à Simba. Elle coûte cher la balade à Simba. QLF le bras de la haine porte Simba. Ouais, ouais, Oonga. Sur le front la haine, le M. Ouais, ouais, ouais, ouais. Que pour le V que je fais le L. Moukli, Simba. Celle qui paie le tel. Oonga, wah, wah. Attends pour te rappeler le thème. Un géant neuf de paquet, la passe mentale comme un kiné. Gala, gala, gala, gala. Finir dans la hesse mais pas finir par tapiner. PNL, tu kiffes, on kiffe le Yankee qui appelle. J'm'en dans Bigo qui sonne, j'ai les viscères à n'importe quelle heure. Oh le le, oh le le, oh le le, pépère. Fais 22, fais 22, fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche, ma main sur ta fesse hein. La merde c'est la hesse, c'est la tèche, on empêche, on encaisse hein. Écarter les puces, elle végéta, encule, celle pas de hagla. Sur plus faible, madame, madame, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, de la cave, de la cave, j'suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance, c'est la pétasse, tu sens que ça passe, ça passe, ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella, hella, hella. Je recompte dans la jungle et je m'appelle Simba. Le tour doit monter de tes fesses. Je recompte que la famille je vends pour la Miss Simba. Sous mon arbre tant qu'il y a du bif. Je recompte dans la savane comme Simba. Les traîtres veulent la couronne à Simba. Elle coûte cher la balade à Simba. QLF le bras de la haine porte Simba.